Yeah, yeah. C'est le 8-3 et le 1-3. LV38, City Zone. Les 4-16, gros. Yeah. Le sorcier aux machines. Rage machinal. C'est qu'on est des hommes marginaux. Peu matinal. Yeah. Ok, ma man. Yeah. Laisse-moi fighter l'instru. Lui donner son compte. Laisse-moi fighter l'instru. Lui donner son compte. Laisse-moi fighter l'instru. Lui donner son compte. Lâcher mon phrase est cru. Avec la portée d'un fusil à pompe. Le rap c'est un sport d'homme, mais faut pas que tu pompes. Fais de ton mieux, donne. Charbonne à ton compte. J'arrive avec un style frais. Comme la pointe d'un iceberg. Toujours à la page, je reste en classe. Comme un polo iceberg. J'fais de la piste. Quartier connu pour le vol. Dédié aux multirécidivistes. Et aux protos en cavale. À ceux qui suivent des rafales. Et sentir vivant. À ceux qui ont moins de chance qu'on me rafale. Sous son fauteuil roulant. La vie c'est speed, faut pas traîner. Se laisser engrainer. En vrai, passe la sixième, faut pas freiner. S'entraîner pour repousser ses limites. Viser toujours plus haut. Nique les faux qui imitent. Les jugements par défaut. Aussi vrai que le mortier. Fait tenir la brique. Nous on fera les portiers que pour ouvrir le Brinks. On vient du sud côté France, du nord côté Afrique. Génération boycottée, même si nos pères ont construit ce pays. Vécu pénible, on reste dans nos délires. C'est la même misère, de Marseille à New Delhi. Nos délits financent le Dallas. Plus on vieillit, plus nos cœurs classent. Il reste des primes et les balances prononcent leur place. Calif hardcore, 8-3, on reste à notre place. On fait des braquages réfléchis, comme la bande des niçois. Tous nos lyrics sont précis, on blesse toujours l'auditoire. Black Marché, J2M, nouvelle connexion. Tu es un 3 ou 8-3, fais très attention. On fait des braquages réfléchis, comme la bande des niçois. Tous nos lyrics sont précis, on blesse toujours l'auditoire. J2M, Black Marché, nouvelle connexion. Tu es un 3 ou 8-3, fais très attention. Je viens poser mon deck, J2M, BM, viens braquer l'antenne. Mettre l'instru en quarantaine, au micro, je lâche ma haine. Des 4-16 à la vis, la monnaie, c'est la reine. Ici y'a trop de veines. Pour une histoire ça dégaine. Marché noir jusqu'au sang qui coule dans nos veines. C'est mon rap calif hardcore. Un rap trop gore. Évite le corps à corps. Dans mon sud aucun accord n'est possible. Ferme ta gueule et prie. Si t'es ma cible. Nous on baise les faux. Y'a que les vrais qui montent sur scène. Les autres on les hagal à la Saddam Hussein. C'est un son du sud-est. La vie des 4-16. Deux tests qui mettent la hesse. C'est J2M et BM. Roulant BM. Dans le poste on garde tour autour. Les meufs courent. On surprend comme les deux tours, d'avant j'ai deux tours. Nous on rend service, on n'attend rien en retour. Si tu bloques sur nous, t'as raison, ça vous le détourne. Ne m'envie pas, je connais pas la fin des cours. Solide comme d'accord, je braque toujours le carrefour. On fait des braquages réfléchis, comme la bande des niçois. Tous nos lyrics sont précis, on blesse toujours l'auditoire. Black Marché, J2M, nouvelle connexion. Tu es un 3 ou 8-3, fais très attention. On fait des braquages réfléchis, comme la bande des niçois. Tous nos lyrics sont précis, on blesse toujours l'auditoire. J2M, Black Marché. Nouvelle connexion, tu es un 3 ou 8-3, fais très attention. Je viens du ghetto comme le chic et la coque, comme la French Connection. C'est de nos blocs que partira la révolution. C'est de nos blocs que partira la guerre. Marocain jusqu'à la mort, c'est le rouge et le vert. On a le rap pour les pitbulls sans laisse. On est venu parler sans gueule, c'est comme ça qu'on s'exprime. C'est comme ça qu'on s'exprime. Donne-moi un mic, une feuille et un stylo que je commette un crime. J'vite ma calage au Sarko et sa pute. Arcon jusqu'à la mort. C'est Calif et Mourad, bâtard. C'est Calif et Mourad. La liste au 4-16. Y'a pas photo, on veut tous la tête de Sarko. On fait des braquages réfléchis, comme la bande des niçois. Tous nos lyrics sont précis, on blesse toujours l'auditoire. Black Marché, J2M, nouvelle connexion. Tu es un 3 ou 8-3, fais très attention. On fait des braquages réfléchis, comme la bande des niçois. Tous nos lyrics sont précis, on blesse toujours l'auditoire. J2M, Black Marché, nouvelle connexion. Tu es un 3 ou 8-3, fais très attention.